Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Je vais voter, il bluffe pas. Hein. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'orphelinat de Juan Antonio Bayona. ¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá. No me podéis ver quedándole. J'avais promis hier avec Malveillance que je parlerais d'un autre film de genre espagnol. Et j'ai une histoire un peu particulière avec ce film, c'est que je l'ai vu pour la première fois quand je n'étais pas du tout cinéphile. Voilà, c'est mon ami Sofiane qui me l'avait montré. Sofiane, si tu passes par là, coucou. Mais en gros, j'étais pas du tout cinéphile, j'avais pas du tout le recul nécessaire pour analyser le film, pour etc. Et je me suis dit, vraiment, il faut que je le revoie un jour. Il faut que je le revoie un jour, il faut que, voilà. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir des films espagnols en ce moment. C'est le bon moment pour revoir l'Orphelinat. Et je l'ai revu hier soir au moment où j'enregistre. Ce sera pas hier soir au moment où vous écoutez ce podcast. Mais du coup, waouh. En fait, je me suis rendu compte que c'était un de mes films préférés. Parce que c'est tellement immense, en fait. À la fin du film, je suis resté genre... Mais à pleurer, mais longtemps après que le film soit terminé. J'étais tout seul dans mon salon à 3h du matin en train de pleurer parce que le film m'avait bouleversé. Et c'était une émotion que j'avais pas ressentie la première fois parce que, voilà, il y avait un effet de groupe, il y avait un effet de « ouais, c'est plus de l'horreur qu'autre chose ». Alors que non, c'est pas que de l'horreur, c'est du fantastique, c'est du drame. C'est de l'horreur aussi un peu, évidemment, mais ça ne s'arrête pas qu'à de l'horreur, en fait. Et c'est ça qui fait en grosse partie que le film est immense. Alors, on va commencer rapidement avec les petites anecdotes, toujours les traditionnelles. Donc, faut savoir que le film, il a été diffusé à Cannes, au Festival de Cannes, où il a reçu une standing ovation de 10 minutes. Voilà, ça indique sa qualité. Il faut aussi savoir que c'est le film qui a représenté l'Espagne aux Oscars en 2008. Donc, envoyer du cinéma genre aux Oscars, faut vraiment que le film soit bien, parce que le cinéma genre aux Oscars, voilà quoi, hormis Get Out, bof, c'est pas trop représenté ces dernières années. C'est un film qui a été produit par Guillermo del Toro, donc qui se situe vraiment dans son univers, c'est cette espèce de conte un peu. De contes un peu merveilleux qui s'inspire beaucoup de Peter Pan. Donc le film, ça raconte l'histoire de Laura qui a grandi dans un orphelinat et qui, en gros, décide, quand elle est adulte, parce qu'en gros, elle s'est fait adopter, et qui décide, quand elle est adulte, de retourner dans cet orphelinat où elle a grandi et de créer, en fait, un centre pour enfants handicapés. Voilà, elle veut s'occuper d'enfants handicapés. Et en gros, elle a un fils qui est adoptif et qui, en plus de ça, est porteur du VIH, rien que ça. Et en fait, tout va basculer le jour où Simon va disparaître. Et c'est ça aussi que je trouve assez bouleversant. C'est vraiment cette disparition. Qui vient mais bouleverser le personnage comme bouleverser le spectateur. Dans l'épisode sur Bunny Lake is Missing, je vous avais dit que le générique de Bunny Lake avait inspiré le générique de l'orphelinat. Et en fait, il n'y a pas que le générique qui a inspiré l'orphelinat. Il y a globalement l'histoire, quoi. Globalement, l'histoire de la fille qui disparaît, enfin l'enfant qui disparaît en tout cas. Et on a une mère désespérée qui veut retrouver son enfant. Et dans Bunny Lake, il y a une opposition entre la mise en scène qui nous laisse penser que Bunny n'existe pas et ce que dit la mère qui nous laisse penser que Bunny existe. Là, c'est un peu plus spécial. C'est-à-dire que on a la mise en scène et les dialogues de tous les trucs non scientifiques et fondés. Donc les médiums, la mère qui veut y croire dur comme fer, qui vont en fait nous dire, nous hurler Mais Simon n'est pas mort, Simon a disparu. Et il y a les policiers, il y a une assistante, il y a le compagnon de Laura qui vont être là en tant que rôle entre guillemets pragmatique et qui eux en fait sont déjà dans le deuil et qui sont déjà en train de se dire mais Simon est mort, il ne reviendra pas, ça fait 9 mois qu'il a disparu. Et en face il y a elle qui ne veut pas cesser d'y croire, qui est là, oui ça fait 9 mois qu'il a disparu mais je sais que Simon est encore là et je le retrouverai. Et c'est bouleversant. C'est véritablement bouleversant. On retrouve à peu près le même type de photographie que dans Malveillance, ce truc assez terne, assez bleuté. Et ce qui est intéressant à la fois, c'est que quand il va y avoir en fait les scènes avec les esprits des enfants, d'ailleurs je ne sais toujours pas s'ils sont réels ou pas. En fait j'ai vraiment du mal à savoir si le manoir est vraiment hanté par les enfants ou si c'est vraiment elle qui s'invente tout ça pour pouvoir retrouver Simon. Et ça me... Bah, c'est un des points forts du film, en fait. Enfin, voilà, je sais pas si les fantômes existent. Et c'est pas un souci, parce que bah, je trouve que la réflexion est intéressante. De comment le deuil aussi peut impacter ça. Sachant que, bon, bah, pour elle, il n'est pas mort. Donc c'est peut-être un deuil un peu refoulé, on sait pas. Mais du coup, bah, dans les scènes où il y a c'est ça aussi qui me fait dire que ces enfants sont peut-être un fruit de son imagination. Dans les scènes où il s'est supposé avoir l'esprit des enfants, c'est une photographie qui est plus vivante, qui est plus lumineuse, qui va un peu tout idéaliser. Et il y a d'ailleurs, parce qu'il y a un énorme twist, évidemment, je le dirai pas. Mais pendant la scène de ce twist, il y a un changement. Où on va revenir à cette photographie, on va passer de cette photographie un peu imaginaire, un peu idéalisée, à la photographie un peu terne du film. Et voilà, c'est ça qui me fait dire que bah, les fantômes des enfants ne sont peut-être pas réels en fait, mais c'est pas grave. Alors j'ai parlé du twist, ah, mon dieu, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est vraiment un petit détail, un petit truc de rien du tout, vraiment si vous le savez pas, vous pouvez pas le remarquer. Mais... qui au début du film, en gros, ce petit truc de rien du tout va faire un truc, mais qui est d'une ironie, mais cruelle à un point, mais fou. Vraiment, c'est cruel comme ironie. Et c'est... Enfin voilà, en regardant le film, en connaissant déjà le twist, je me suis dit, mais oui, mais ça va avoir moins d'effet, je connais déjà... Ça a autant le même effet. Vu comment j'ai pleuré, ça a autant le même effet, le twist est fou. Et c'est tellement cruel en fait, c'est tellement... Je peux pas, en fait ce qui est relou c'est que je ne peux pas trop en dire. Enfin je ne peux pas révéler le twist parce que bah voilà j'ai pas envie de spoiler. Donc on va dire que à la fin je ferai une partie avec spoiler où je dirai ce que c'est le twist parce que j'ai besoin d'en parler. J'ai vraiment besoin d'en parler. On a un côté horrifique qui marche super bien. Le personnage de Thomas pendant longtemps m'a terrifié vraiment avec son sac sur la tête. Il y a un côté body horror très intéressant. Je pense notamment quand la porte de la salle de bain se referme sur son doigt, j'ai mal rien que d'en parler. Ou même le visage de Thomas, voilà. Donc il y a ce côté body horror vachement intéressant. Et puis bien évidemment il y a la séance avec la médium qui est juste flippante. C'est un film qui fait preuve d'énormément d'inventivité dans sa mise en scène. Je pense notamment où il y a la fausse assistante sociale et le camion. Hors contexte, voilà, vous pouvez pas, voilà. Mais quand vous avez le contexte, vous voyez de quoi je parle et vous voyez que c'est tellement genre inattendu et bien amené. Et d'ailleurs, ça gueule après cette scène, fait partie du côté body horror du truc. C'est également un film qui a eu énormément de nominations pour les Goya. Les Goya, c'est l'équivalent des Césars. Et ce qui est fou avec ça, c'est que bah en France, on a eu du cinéma de genre nommé aux Césars, on a eu Eli Motors, on a eu Grave, etc., etc. Franchement, les Césars, vous êtes vachement en retard par rapport aux Goya, parce que l'Orphelinat est reparti avec pas moins de 7 Goya contre 0 pour Grave. Voilà. Donc, 0 pour Grave et Holy Motors d'ailleurs. Donc, oui, bon, il y a pas mal de prix techniques. Meilleur son, meilleur DA, meilleurs effets visuels. Mais il y a aussi meilleur nouveau réalisateur pour Juan Antonio Bayona. Il y a aussi meilleur scénario original. Donc voilà, c'est possible. Il faut récompenser le cinéma de genre et c'est bien. Et je suis content que les Goya le fassent. Et j'aimerais que les Césars le fassent, voilà. Mais je pense que le jour où on aura du cinéma de genre récompensé au César, on aura fait un grand pas. Parce que vraiment, je pense que ça n'est pas prêt d'arriver malheureusement. Et d'ailleurs, dans cette même édition des Goya, on a aussi eu meilleur montage et meilleure révélation féminine pour Rec. Voilà, pour Rec. Donc oui, bah merci les Goya de mettre en valeur le cinéma de genre. Et pas merci les Césars. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment du grand cinéma de genre qui arrive à ne pas s'enfermer dans un seul genre, en fait, qui arrive à passer du drame au fantastique, à l'horreur. Et tous marchent autant que les autres. Et vraiment, je trouve ça génial. Et je saurais pas donner défaut si ce n'est peut-être la photographie qui... Après, ça c'est personnel, voilà, ce type de photo me plaît pas forcément des masses. Mais sinon, je saurais pas dire de défaut envers ce film. Voilà, c'est formidable, vraiment, regardez-le. Donc avant de passer à la partie spoiler, je vais vous dire où il est disponible. Évidemment, voilà, le but c'est quand même que vous le regardiez. Alors, il est disponible en streaming sur la plateforme Shadows. Voilà, qui est une très très très très bonne plateforme de VOD, de cinéma de genre français. Donc n'hésitez pas à aller voir Shadows. Sinon, il est disponible à la location et à l'achat sur Orange TV, Filmo TV, Canal VOD et Rakuten TV. Donc maintenant, la partie où je vais révéler le twist. Si j'insiste, allez voir le film avant d'écouter cette partie. Si vous avez déjà vu le film, écoutez cette partie. Le twist, comme vous le savez ou pas, c'est qu'en fait, elle a enfermé Simon dans une pièce involontairement, et que du coup celui-ci est mort dans cette pièce parce qu'il ne pouvait pas sortir, et que donc à la fin elle se suicide parce qu'elle est folle de chagrin. C'est tellement cruel et ironique à la fois. Et cette scène où en fait elle découvre l'endroit où Simon est mort et qu'elle lui parle et qu'elle lui dit ne t'imagine pas, ouvre pas les yeux, et où en fait elle pense parler à Simon, où elle lui dit n'ouvre pas les yeux. Imagine qu'ils ne sont pas là, que tu es juste avec moi, qu'on est juste tous les deux. Et en fait, bah, elle se parle plus à elle-même qu'à Simon. Et c'est vraiment là, c'est le truc qui m'a achevé, sincèrement, qui m'a achevé. J'étais déjà proche d'une rivière de larmes, mais c'est vraiment le truc qui m'a achevé. Et c'est un twist qui est aussi beau que cruel, et c'est ça qui me fascine aussi, et qui est magnifiquement bien amené. Je pense à ce 360 autour d'elle quand elle pense tenir Simon, et qu'au final elle tombe sur son cadavre dans le costume de Thomas. Waouh, vraiment ça m'a marqué. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un de mes films préférés. Donc franchement, regardez-le parce que c'est absolument fabuleux. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de regarder L'Orphelinat, parce que vraiment, il faut regarder L'Orphelinat. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.